Que fait le bonheur quand tu cries, tu pleures quand tu ouvres ton cœur, y a rien à l'intérieur. C'est pas comme si on savait pas, comme si on avait des illusions. C'est pas comme si on savait pas, même si on est toujours très con. Que faire l'amour quand t'es nu devant lui? Il est juste là pour te baiser toute la nuit. C'est pas comme si on savait pas, comme si on avait des illusions. C'est pas comme si on savait pas, même si on est toujours très con. Que font des illusions? C'est pas comme si on savait pas, même si on est toujours très con.